إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. On continue et on termine l'exégèse de Surat Al-Qalam, qui est appelée également Surat Noun. On s'est arrêté lors du dernier cours à la parole d'Allah Azza wa Jal: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. طيب، قال الله تعالى: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens: laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien, est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Ou savent-ils le raïb, l'inconnu? Et c'est de là qu'ils écrivent, c'est-à-dire leur mensonge: endure, ô Muhammad. Endure, c'est-à-dire, ô Muhammad, avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, qui appela dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, méprisé sur une terre déserte. Mais son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui m'écroient ne te transpercent par leurs regards. Quand ils entendent le rappel, c'est-à-dire le Coran, ils disent: il est certes fou. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde, c'est-à-dire au monde des hommes, des djinns et de tout ce qui existe en dehors d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي دعني والمكذبين بالقرآن العظيم فإن علي جزاءهم ولا تستعجل لهم فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم فإن هذا من كيد الله لهم وكيد الله لأعدائه متين قوي يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق كل مبلغ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لما جئت به سبب يوجب لهم ذلك فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها أنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله فهذا أمر ما كان وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم فلم يبق إلا الصبر لآذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم ولهذا قال فاصبر لحكم ربك أي لما حكم به شرعا وقدرا فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره. Donc Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. C'est-à-dire, laisse-moi avec ce qui traite de mensonge le Coran, c'est moi qui les rétribuera. Et ne sois pas pressé de les voir subir le châtiment, car nous allons les mener graduellement pour... Nous allons les amener graduellement vers où ils ne savent pas. C'est-à-dire que nous allons leur accorder des biens et des enfants. Et nous allons élargir leur pourvoyance afin qu'ils soient dupés par cela et qu'ils persistent dans ce qui est néfaste pour eux. Et ceci est un stratagème d'Allah Azzawajal. Et le stratagème d'Allah envers ses ennemis est sûr et fort. Il atteint un châtiment au-dessus de ce qui peut être attendu. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Puis Allah Azza wa Jalla dit, ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? C'est-à-dire que le fait que ces polythéistes se sauvent de toi et ne croient pas en ce que tu apportes, cela n'est pas une raison. Il ne leur appartient pas de se détourner et de te traiter de menteur de cette façon, car tu leur enseignes la vérité et tu les appelles à Allah pour leur bien, sans que tu ne leur demandes leur argent et ainsi qu'ils sentent une lourde dette peser sur eux. Puis Allah Azza wa Jal dit, « Am indahumu al-ghaybu fahum yaktubun » Ou connaissent-ils l'invisible et c'est de là qu'ils écrivent? C'est-à-dire que c'est de là qu'ils écrivent ce qu'ils ont comme chose faisant partie de l'invisible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas en leur possession des choses appartenant en l'invisible. Et qu'ils auraient trouvé dans ces choses qu'ils auraient en leur possession les preuves qu'ils sont dans la vérité et que leur récompense auprès d'Allah est assurée. Ceci est une chose qui n'existe pas. Mais leur situation est bel et bien la situation de personnes qui rejettent et qui sont injustes. Il ne te reste donc qu'à patienter vis-à-vis de leur mal et de prendre sur toi ce qui pourrait émaner d'eux et de persister dans leur appel. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Fasbir li hukmi rabbik » Endure avec patience le jugement de ton Seigneur. C'est-à-dire, fais preuve de patience vis-à-vis du jugement d'Allah, le jugement juridique et universel. Quant au jugement universel, il doit être, l'on doit faire preuve de patience vis-à-vis des jugements d'Allah universel. On ne doit pas les accepter, on ne doit pas les accueillir avec le mécontentement et l'énervement. Et quant au jugement juridique, l'on doit l'accueillir en l'acceptant et en s'y soumettant, en se soumettant entièrement à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc les jugements d'Allah sont de deux sortes. Il y a le jugement universel et le jugement juridique. Le jugement universel, on se doit d'être patient. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, nous prescrit une maladie ou la mort d'un proche. C'est un jugement universel d'Allah Azza wa Jal et l'on se doit de patienter face à cela. Quant au jugement juridique, c'est-à-dire au jugement juridique, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire une chose, lorsqu'il nous interdit de faire une chose, ces jugements, l'on se doit de s'y soumettre entièrement et de les accepter. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Comme le dit Allah Azza wa Jalla, il n'appartient pas aux croyants ni aux croyantes, lorsque Allah et son prophète ont jugé d'une chose, d'avoir encore le choix de faire ou de ne pas faire. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله وقوله ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام أي ولا تشابه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبا لربه حتى ركب في البحر فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم وقوله إذ نادى وهو مكظوم أي وهو في بطنها قد كظمت عليه أو نادى وهو مغتم مهتم بأن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم وأنبت الله عليه شجرة من يقطين ولهذا قال هنا ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء أي لطرح في العراء وهي الأرض الخالية وهو مذموم ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح وصارت حاله أحسن من حاله الأولى ولهذا قال فاجتباه ربه أي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر فجعله من الصالحين أي الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونيتهم وأحوالهم فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر ربه فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين فجعل الله له العاقبة والعاقبة للمتقين ولم يدرك أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم أي يصيبوه بأعينهم من حسدهم وغيظهم وحنقهم وهذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي والله حافظه وناصره وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم فيقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة شاعر قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين أي وما هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم تم تفسير سورة القلم والحمد لله رب العالمين. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit wala takun ka sahib al-hout, et ne sois pas comme l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam, le prophète Yunus, c'est-à-dire ne ressemble pas à Yunus afin d'être dans la situation dans laquelle il s'est trouvé et qui a fait en sorte qu'il se soit retrouvé prisonnier dans le ventre du poisson. La raison est qu'il n'a pas patienté vis-à-vis de son peuple comme cela lui avait été demandé. Il les a quittés, c'est-à-dire a quitté son peuple, Yunus alayhi salam, en étant courroucé. Il a alors pris la mer. Il a pris la mer et Ahlus Safina, les gens qui étaient avec lui dans le bateau, lorsque le bateau était trop lourd, ils ont alors décidé de tirer au sort afin de choisir une personne qui sera tirée au sort pour alléger le bateau de peur qu'il ne coule. Et le tirage est tombé sur Yunus alayhi salam. Et c'est alors que le poisson l'engloutit, alors qu'il était blâmable. Idnada wa huwa makdhum. Et la parole d'Allah Azza wa Jal qui appela Allah dans sa grande angoisse. C'est-à-dire que Yunus alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de ce poisson, a appelé Allah Azza wa Jal en étant peiné et préoccupé. Et il a dit, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans Sourate Al-Anbiya, le verset 87, La ilaha illa ant, nul ne mérite d'être adoré que toi. Que tu sois purifié et exempté de tout défaut, je fais partie des injustes. Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation. Et ce poisson l'a rejeté sur une terre nue alors qu'il était malade. C'est-à-dire que Yunus alayhi salam était malade et affaibli de ce moment qu'il est resté dans le ventre de ce poisson. Fa'anbatallahu alayhi shajaratan min yaqatin. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'un plant de courge, ou un arbre de courge pousse à proximité ou à côté de Yunus alayhi salam. Dans quel but? Dans le but de le protéger, car il était dans une terre dénuée et dénudée. وَلِهَذَا قَالَ هُنَا Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُوبِذَ بِالْعَرَاءِ Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté sur une terre déserte. C'est-à-dire qu'il aurait été rejeté dans une terre déserte où il n'y a rien. Wa huwa madhmoum, en étant méprisé. Mais Allah Azza wa Jal l'a fait entrer dans sa miséricorde. Et sa situation, c'est-à-dire de Yunus alayhi salam, était bien meilleure que la situation précédente. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit, Fajtabahu Rabbuh, mais son Seigneur l'a élu. C'est-à-dire que son Seigneur l'a choisi, l'a élu, et l'a purifié, فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Et il a fait de lui un vertueux, c'est-à-dire ceux dont les actions sont vertueuses, ainsi que leurs paroles et leurs intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique l'ordre de son Seigneur, et il a patienté face au jugement d'Allah. Il a patienté d'une façon que personne parmi les mondes ne pourra l'égaler. Sallallahu alayhi wa sallam. Faja'ala Allahu lahu al-aqibah. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la bonne fin soit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il le dit Azza wa Jal dans le verset 128 de Sourate Al-A'raf. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Et la bonne fin appartient aux pieux. Et les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas pu atteindre ce qu'ils voulaient comme mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où ils ont même essayé de le transpercer par leur regard, c'est-à-dire qu'il soit touché par leur regard, un regard plein de jalousie, de rage et d'irritation. Et ceci est ce qu'ils ont pu faire de façon concrète. Mais Allah Azza wa Jal l'a protégé et lui a donné la victoire. Quant à l'offense verbale, ils ont dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses paroles. Selon ce que leur passion leur dictait, ils disaient parfois que c'était un fou, et parfois que c'était un sorcier, et d'autres fois ils disaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était un poète. Et Allah Azzawajal dit « وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » Et ce n'est qu'un rappel pour les mondes. C'est-à-dire que ce Coran, ce Saint Coran, ce sage rappel n'est que un rappel pour les mondes par lequel il se rappelle les bienfaits de cette religion et de cette vie d'ici-bas. Ainsi se termine le tafsir de Surat Al-Qalam et la louange appartient à Allah Azza wa Jal. ثم قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة الحاقة وهي مكية. Puis Cheikh entame le tafsir de Surat Al-Haqqa, qui est traduit par Surat l'Inévitable, qui est une surat mécoise, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Haqqatu mal-Haqqa, wa ma adraka mal-Haqqa, كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-haqqah, l'inévitable, ou celle qui montre la vérité. Il dit azawajal sur le sens l'inévitable. Qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Les Thamoud et les Ad avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Thamoud, ils furent détruits par un bruit excessivement fort. Et quant aux Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre, comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Qala Cheikh Sa'di rahimahullah, Al-Haqqah. من أسماء يوم القيامة لأنها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور فعظم الله شأنها وفخمه بما كرره من قوله الحاقة وما أدرى ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية فقال كذبت ثمود وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد فردوا دعوته وكذبوه وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده فكذبوه وكذبوا بما أخبر به من البعث فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف عاتية أي عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أي نحسا وشرا فظيعا عليهم فدمرتهم وأهلكتهم فترى القوم فيها صرعا أي هلكا موتا كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع النخل التي قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض فهل ترى لهم من باقية وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي لا ترى من باقية الله عز وجل دي الحاقة لينيفيتابل qui est un des noms du jour du jugement. Car l'heure est inévitable et atteindra les créatures. Et durant ce jour du jugement, apparaîtront les vérités, de même que les choses cachées dont les poitrines seront apparentes. Allah subhanahu wa ta'ala a immensifié le cas de ce jour du jugement. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala l'inévitable, qu'est-ce que l'inévitable? Qui te dira ce qu'est l'inévitable? Ainsi, elle a une immense importance. Ce jour a une immense importance. Et ces effrois sont terribles. Et parce que le jour du jugement est inévitable et immense auprès d'Allah Azzawajal, il a exterminé les peuples qui l'ont traité de mensonge. Les peuples qui ont traité de mensonge le jour de la résurrection. Allah Azzawajal les a détruits par un châtiment rapide. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité des exemples et les choses qui peuvent être visibles. Allah Azza wa Jal a cité les choses visibles, à savoir les châtiments qui ont été infligés aux communautés précédentes, qui ont traité de mensonges le jour dernier. Il dit Azza wa Jal, كذبت ثمود. Thamoud ont traité de mensonges. Thamoud, qui est cette tribu connue qui habitait Al-Hijr. Et Al-Hijr, selon l'avis de la majorité des Mufassirin, c'est un endroit dans le Hijaz. Et le Hijaz, lorsque l'on parle du Hijaz, c'est l'ouest de l'Arabie. C'est tout l'ouest de l'Arabie, mais la partie qui est la plus proche de la côte ouest de l'Arabie. Et Al-Hijr, certains savants ont dit que cet endroit se trouve entre la Mecque et Tabouk. Entre la Mecque et Tabouk. Donc ce peuple Thamoud, Allah Azza wa Jal leur a envoyé son prophète Salih alayhi salam afin de les mettre en garde sur ce qu'ils faisaient comme polythéisme. Il leur a ordonné d'adorer Allah Azzawajal seul sans ne rien lui associer. Mais ils ont rejeté son appel et l'ont traité de mensonge et de menteur et n'ont pas cru aux informations que Salih alayhi salam leur avait données concernant le jour dernier. Qui est Al-Qari'a, le fracas qui fracassera les créatures par son effroi. وكذلك عاد, de même pour عاد, ceux qui habitaient Hadramaut au Yémen, lorsqu'Allah Azza wa Jal leur envoya Hud alayhi salam pour les appeler à adorer Allah seul, ils l'ont traité de menteur et ont traité de mensonge les informations qu'il leur a dites concernant la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a exterminé ces deux groupes par un châtiment rapide. Il dit Azza wa Jal, fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Ils ont été, quant à Thamud, ils ont été détruits par un bruit excessivement fort, qui est un bruit immense et effrayant, qui a fendu leur cœur et qui a fait disparaître leurs âmes. Ils se sont alors retrouvés morts et l'on ne voyait que leur demeure et leurs cadavres. وَأَمَّا عَادٍ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ. Et quant à Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, c'est-à-dire un vent extrêmement fort, qui soufflait extrêmement fort et qui avait un bruit plus terrible et plus fort que le tonnerre assourdissant. Atiyah, Allah Azza wa Jal a qualifié ce vent comme étant Atiyah. Et ici, il y a deux explications des Mufassirin. Certains ont dit Atiyah, c'est-à-dire que ce vent était trop furieux pour ses gardiens. Que ce vent était trop furieux pour ses gardiens. Et d'autres ont dit que ce vent était extrêmement fort et il a dépassé toutes les limites. Comme cela est, selon Cheikh Saadi, l'explication la plus authentique. À savoir qu'Allah Azza wa Jal a envoyé un vent mugissant et furieux, c'est-à-dire que c'était un vent qui était extrêmement violent, d'une telle force qui peut être difficilement imaginable. Sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah déchaîna contre eux ce vent pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. C'est-à-dire que c'était un malheur et un mal immense qui s'est abattu sur eux. Et ce vent les a exterminés et les a anéantis. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى. Tu voyais alors les gens renversés par terre, c'est-à-dire morts, gisant, leurs cadavres gisant. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوِيَةٍ. Comme des souches de palmiers évidées. C'est-à-dire, ils étaient comme le tronc d'un palmier dans lequel l'on ou auquel on a coupé la tête. Et ainsi, il tombe sur lui-même. Lorsque vous voyez un palmier, lorsqu'on lui coupe la tête, il se plie. Il se plie, le tronc reste droit et le dessus se penche. Puis Allah Azza wa Jal dit, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. En vois-tu le moindre vestige, c'est-à-dire vois-tu encore des restes, c'est-à-dire de ce peuple, si ce n'est leur demeure, si ce n'est leur demeure. Mais quant à eux, quant au peuple lui-même, il n'y a plus de reste. Et ceci, comme l'a dit Cheikh Saadi, وَهَذَا اسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ الْمُتَقَرِّرِ. Ceci est une question, mais ce qui doit être compris est une négation appuyée et prononcée. C'est-à-dire que tu ne vois pas de reste, tu ne vois pas le moindre reste de ce peuple. وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.